because I'm shaking so much. Get up close, you know I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. You know I got so nervous when I see his eyes that shine. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. He gets too close and the chill runs down my spine. Don't you touch me, baby, because I'm shaking so much. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, 'cause I'm shaking so much.

together left on Yes, vous venez d'entendre Phantom Mother avec Speaking of the Devil, extrait de leur dernier album en date qui vient de voir le jour sur le label AFM Records. Voilà, toujours Overdrive Radio Duo, c'était cet album Dirty Divine. On continue maintenant avec Tungsten, extrait de cet album Chronicles of the Living. Ce sera le morceau Looking for a Way. Vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive Radio Duo. Il est maintenant 22h, passé de quasiment 15 minutes. Dirt and causing cheer. And there's a paper on Voilà pour le groupe Tungsten. Et on continue maintenant avec du power metal avec Dominum qui nous sort cet album The Dead Don't Die sur Napalm Records qui devrait ravir les fans de musique un peu, on va dire, heavy metal moderne comme Lordi ou des groupes comme Bloodbound. Tout de suite sur Overdrive Radio Tube. Must happen. Brazen Abbott avec Two of a Kind sur Overdrive. Radio Duo pour ce morceau, extrait de la réédition de cet album paru en 96 qui vient d'être réédité là sur Frontiers Records. C'était l'album Bad Religion. On retrouvait de nombreux invités. Thomas Wikström qui a ensuite chanté dans Therion, ou alors le chanteur Jolene Turner. Voilà pour une superbe power ballad. Il est temps maintenant de passer à une annonce concert. Ce sera du côté de la Rayonne. Ce sera dimanche 16 février. Vous retrouverez le groupe Pain. Donc Peter Tadgren et son Pain seront présents. Et pour l'heure, on va diffuser un extrait de leur dernier album avec le morceau titre I Am par Pain. Ce sera le 16 février prochain du côté de la Rayonne à Lyon. There's no hope in the valley of death. Drink your sorrows away. There's no need to hide or fight. The laughter has stopped. The flame has died. Voilà pour le groupe Pain sur la scène de la Rayonne le 16 février prochain. On passe maintenant au guitariste Bumblefoot. Bumblefoot, bien entendu, vous avez vu Rontal en compagnie de Sons of Implow ou alors Whom the Gods Destroy l'année dernière et bien entendu pendant une dizaine d'années avec les Guns N' Roses. Il revient avec son dernier album Bumblefoot Returns, avec son dernier album et ici un album instrumental sur lequel on retrouve pas mal d'invités prestigieux. On retrouve notamment Steve Vai, Brian May et autres, Guthrie Govan. Donc j'ai décidé de vous diffuser ici un morceau sur lequel on retrouve l'illustre Brian May de Queen en invité, qui fait vraiment des merveilles et sur lequel on retrouve vraiment le son et les harmonies de Queen. Ce sera donc extrait de cet album Bumblefoot Return que je conseille vraiment à tout le monde, et c'est encore une fois sur Overdrive au Radio Audio avec Once in Forever par Rontal. Thank you. et dans un style très différent. Maintenant, il s'agira du retour des Français de Black Bomb A tout de suite sur Overdrive. Ils étaient la semaine dernière du côté de la MJC au Totem Obscura avec son dernier album Sonification sorti sur Nuclear Blast. Encore une fois, on a eu ici un groupe qui a connu pas mal de changements de musiciens au cours de sa carrière, notamment ici ces derniers temps, une sorte de on va dire, dissension avec des anciens membres qui ont accusé le guitariste-chanteur du groupe de tout simplement plagiat et d'avoir volé d'anciennes chansons. En tout cas, ici, on est en terre de death technique qui n'oublie pas la mélodie. Ça reste quand même un groupe qui a su apporter de superbes albums. Disques comme Cosmo Genesis ou Omnivium sont d'excellents disques. Donc, on s'en voit ça tout de suite avec ici leur dernier album en date et ça s'appelle Evenfall. Tout de suite, encore une fois, Overdrive Radio Duo. We'll be right back.

Yes, vous venez d'entendre le sous-groupe Macération avec son dernier album. C'était sorti sur Mighty Music. C'était le morceau A Corrosive Heart Fell Below, extrait de ce disque Serpent Devourment. Voilà, Overdrive, il est temps maintenant de clôturer l'émission. On va revenir sur le dernier album de Bumblefoot avec ce morceau Funeral March pour clôturer la soirée. Funeral March par Ben avec Ben Karras en invité. Voilà, on rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive radiodio, Overdrive Radiodio sur Instagram également. Funeral March tout de suite. Merci. Ciao. Bye bye.